La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, la compagnie des auteurs, épisode 3 de notre série consacrée à l'écrivain Italo Calvino, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Antoine Pitiloni. La jeunesse d'Italo Calvino est marquée par son appartenance à la résistance italienne à partir de l'année 1943. Il avait 20 ans, il ne s'y est pas engagé seul mais avec son frère, sur les conseils, figurez-vous, de leurs parents qui seront eux-mêmes arrêtés et jetés plusieurs mois en prison. C'est dire à quel point cette famille Calvino, ses parents scientifiques, spécialistes de botanique ayant vécu longtemps en Amérique du Sud, cette famille donc était bien singulière, comme nous l'a raconté lundi Marie Fabre dans une émission disponible en téléchargement. Hier, c'est des différentes phases de l'œuvre dont nous avons parlé avec Philippe Darros, du nouveau réalisme jusqu'à l'approfondissement d'une voix plus originale à partir des contes dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis demain, nous nous arrêterons sur les années parisiennes de l'écrivain qui coïncident avec sa fréquentation de Queneau et son intérêt pour l'Oulipo et les avant-gardes françaises. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui donc, pour parler de la célèbre trilogie de Calvino intitulée « Nos ancêtres » et qui regroupe ses livres « Le baron perché »,« Le vicomte pourfendu » et « Le chevalier inexistant », nous sommes en compagnie de celui qui vient de les retraduire, Martin Rueff, également professeur de littérature à l'université de Genève, ainsi que poète et philosophe. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Que je n'ai jamais connu l'abandon automatique de l'écriture ou le flux inconscient des images. Les images viennent d'abord, ça oui, mais ils viennent toujours chacune avec un champ de signification possible ou au moins de fonctions possibles. Qui demande d'être organisé au niveau du récit-discours. Selon les lois d'une structure narrative et selon l'essence d'un discours toujours implicite, toujours à réinterpréter. Italo Calvino au micro de Jean-Pierre Thibaudeau en 1976. Bonjour Martin Rueff. Bonjour. Alors on pense à Italo Calvino comme un écrivain très libre qui laisse la bride sur le cou à son imagination, mais dans l'archive qu'on vient d'entendre, il dirait plutôt le contraire, puisqu'il parle d'une imagination très organisée. Est-ce que cela se sent quand on le traduit, comme vous venez de le faire pour trois de ses livres, pour les éditions Gallimard, Martin Rueff ? Oui, alors le triangle qu'évoque Calvino dans cette citation, hein, celui de l'image, de la signification et du récit, est tel, comme vous le dites, que l'image est première, de fait. Calvino le dit toujours, hein, il est traversé par des images. Par exemple, il avait en tête l'image d'un petit garçon qui monte aux arbres et qui reste. Il avait l'image d'un un peu de bande dessinée ou de dessin animé d'un homme qui est coupé en deux par un boulet, et peut-être aussi celle d'une armure vide. Donc ça, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Mais de fait, ce que Calvino a en tête, et son métier d'écrire, pour parler comme Pavese, consiste à inventer une structure narrative extrêmement ferme, extrêmement organisée, qui d'ailleurs le poussera dans les années, à la fin des années 70, vers un autre type d'écriture, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de l'Oulipo, c'est-à-dire une écriture à contrainte. Et Calvino est évidemment un écrivain du travail. C'est-à-dire que l'image que Pavese avait employée au début, hein, de la carrière de Calvino, hein, du scoiattolo de la peine, hein, l'écureuil de la plume, c'est-à-dire un écrivain qui ne cesse de bondir, hein, d'aller d'un lieu à l'autre et de manière imprévisible, est vraie. C'est un écrivain léger, un écrivain rapide, un écrivain multiple, mais de fait, c'est un écrivain cérébral. Mmh. Et ce côté cérébral, on le sent parfaitement quand on traduit, au moins à deux niveaux. Et là, j'espère répondre précisément à votre question. On le sent au niveau de ce qu'on pourrait appeler la trame narrative, qui est faite, en effet, d'une structure très ferme, à laquelle s'agrègent des épisodes, mais ces épisodes ont toujours des fonctions très précises par rapport à cette trame, d'allègement, par exemple, ou de petites digressions pour que la trame ne soit pas trop lourde. Et par ailleurs, on le sent évidemment au niveau de la phrase, parce que la phrase de Calvino est une phrase vraiment de fer, elle aussi, hein, c'est une phrase qui est extraordinairement charpentée, dont les effets sont très précisément calculés, aussi bien d'ailleurs au niveau, syntaxique, ce qui est le minimum pour la phrase, que sémantique. Hein. C'est une des difficultés du traducteur, c'est que il y a pas de sbavato là, chez Calvino. Il y a pas d'à peu près. Il y a pas, disons, de sfocato. Il y a pas d'effet nébuleux. Il y a pas de brouillard. Et s'il y en a, comme au début de Six nuits des vingt voyageurs, c'est un brouillard qui est plutôt du style de ceux de Caillebotte que de ceux de Turner. Hein. C'est très très découpé, très ciselé. Donc oui, Calvino est un écrivain de l'imagination. Mais il est un écrivain de la réflexion, et cette réflexion donne lieu à des narrations extrêmement concertées. Donc avant cette trilogie, vous aviez traduit Marco Valdo et aussi Si par une nuit d'hiver, un voyageur. À quel moment est-ce que vous avez, vous en tant que lecteur, découvert Calvino? Est-ce que c'était durant votre enfance, durant votre adolescence? Parce que, notamment pour cette trilogie Nos ancêtres, ce sont des livres qu'on avait tendance à donner, si ce n'est aux enfants, au moins aux adolescents. Oui, j'ai découvert Calvino au collège, en effet. Je crois que le premier Calvino que j'ai lu, ça devait être dans les années 80, peut-être 84, 85. Je me souviens très bien d'avoir lu, je pense, en troisième, Six nuits d'hiver, un voyageur, et de m'être dit que on pouvait écrire des romans comme ça. Mmh. Donc on peut lire en troisième ce livre qui n'est pas le plus facile de Calvino. Non, dans les années 80, il était, vous vous souvenez peut-être, il était dans une collection, les collections Poinceuil, hein, enfin en seuil, avec une bouteille, avec un petit bateau dedans sur la couverture, et il pouvait attirer un adolescent. Et ensuite seulement, d'ailleurs, j'ai lu le Baron Perché. Mmh. Vous aviez compris la profondeur métaphysique de ces trois contes? Écoutez, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Donc c'est bien qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense d'ailleurs que Calvino est un écrivain à ce titre, hein, un écrivain classique, c'est-à-dire que il partage la conviction d'écrivains du 19e, hein, comme Stendhal, que Proust cite souvent. Hein. Il faut pas des développements théoriques trop lourds dans un récit, parce que sinon ça fait l'effet d'un coup de pistolet au théâtre, hein, ça surprend. Mais derrière cette limpidité, puisque les récits de Calvino peuvent être en effet lus par des enfants, ou en tout cas des jeunes adolescents, il y a une profondeur qui, pour moi, vous avez employé le mot de métaphysique, et métaphysique, hein, tient à la philosophie, à la formation d'ailleurs de Calvino, qui lisait pratiquement tout, en philosophie et en sciences humaines. Et j'espère qu'on aura l'occasion de montrer justement que ces trois récits, qui sont légers, qui sont des livres d'aventure, qui sont des livres passionnants pour des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs, sont des romans d'une grande profondeur. Enfin, ce qu'on peut dire déjà, c'est que tous les trois racontent des expériences qui permettent aux personnages de se réaliser en tant qu'être humain. C'est cela, à chaque fois, qui est décliné de trois manières différentes. Oui, oui. Oui, je peux dire comme... parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est un traducteur, hein? C'est d'abord un lecteur très attentif, hein, enfin, qui doit l'être en tout cas. Je dois vous avouer que cette profondeur, on peut dire existentielle, c'est un mot que Calvino n'aimait pas, hein, mais on peut dire que cette profondeur du destin, en tout cas du rapport entre caractère et destin, on la découvre de manière très, très distincte, hein, en traduisant les livres et en les retraduisant, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que existentiel était un mot que Calvino n'aimait pas? Alors... voilà, il me semble que, enfin c'est une hypothèse, que le chevalier inexistant, hein, qui est le troisième de la trilogie, celui de 59, hein, qui est écrit en pleine vague existentialiste, est un livre anti-existentialiste. parce que, de fait, si dans l'existence, pour parler comme Sartre, Heidegger, l'être humain est celui, pour l'individu pour lequel il y va de son être dans son existence à chaque instant, pour le chevalier, c'est bien de son inexistence qu'il est question. Mmh. Et pour vous répondre de manière plus sérieuse, ce que Calvino valorise systématiquement dans ses livres, ça renvoie d'ailleurs à votre première appréciation, c'est le rapport entre légèreté et profondeur. Calvino a une haine farouche pour la fausse profondeur. Il la détecte, il la sent, il n'aime pas les fumistes, il n'aime pas la fumisterie. Et ce qu'il aime, c'est pour ça qu'il aime les récits du XVIIIe siècle, et notamment Diderot, c'est cette légèreté qui donne à voir en profondeur, et pas une profondeur qui aveugle le lecteur. Et du coup, il me semble que Calvino a pu être critique et avoir voulu en tout cas garder des distances à l'égard de ce qu'on pourrait appeler un pathos existentialiste qui, dans les années 50, en Italie, apparaissait comme l'avant-garde littéraire, si vous voulez. C'est pour ça qu'il aime la clarté en littérature, parce que quand on sait ce qu'on veut dire, on doit pouvoir le dire clairement. Absolument, absolument. J'aime beaucoup l'ordre dans lequel Calvino présente ses leçons américaines, ses textes de la fin, puisqu'ils ont été même publiés de manière posthume, après 83, ils sont prononcés en 83, les cinq qualités que Calvino met en avant, et qui pourraient être aussi les horizons d'un bon traducteur, c'est légèreté, rapidité, exactitude, visibilité et multiplicité. Et exactitude et visibilité, c'est vraiment la prose de Calvino, c'est-à-dire qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, ciselée, et qu'elle rend visible ce dont elle parle. Elle ne se joue pas, elle ne joue pas avec les lecteurs en essayant d'offusquer l'intelligence du lecteur, en essayant de lui proposer des jeux de fausse profondeur. La profondeur, elle est là, mais c'est au lecteur de la dégager, en réalité, de l'exactitude et de la légèreté, de la rapidité du récit. Alors on va entrer dans la profondeur d'un premier texte, Le Baron Perché, paru en 1957 et qui est peut-être le plus célèbre de cette trilogie. J'avais depuis longtemps une image en tête. Un garçon qui monte sur un arbre. Il monte. Et que lui arrive-t-il ? Il monte. Et il entre dans un autre monde. Non, il monte et il rencontre des personnages extraordinaires. Voilà. Il monte et voyage d'arbre en arbre des jours entiers. Mieux, il ne redescend plus. Il refuse de descendre à terre. Et passe toute sa vie dans les arbres. Allais-je en faire l'histoire d'une fuite des rapports humains, de la société, de la politique ? Non, cela aurait été trop évident et futile. Le jeu ne commençait à m'intéresser que si je faisais de ce personnage, non pas un misanthrope, mais un homme continuellement dévoué au bien de son prochain, inséré dans le mouvement de son temps, qui entend participer à chaque aspect de la vie active, du progrès des techniques à l'administration locale, à la vie galante, tout en sachant que pour être vraiment avec les autres, la seule voie est d'être séparé des autres, d'imposer obstinément aux autres et à soi-même cette singularité incommode, et cette solitude de chaque heure. Dans Le Baron Perché, l'homme complet s'apparentait à celui qui réalise sa propre plénitude en se soumettant à une discipline volontaire, rude et contraignante. Il se passait avec ce personnage quelque chose pour moi d'insolite. Je le prenais au sérieux. J'y croyais, je m'identifiais à lui. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du Baron Perché, plus exactement de la préface de Calvino à ce livre, lu par Guillaume Gallienne. Qu'en retenez-vous, Martin Rueff ? Eh bien, j'en retiens surtout deux éléments. Le premier, c'est que avec le Baron Perché, Calvino écrit un roman, et il le sait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le Vicomte et le Chevalier, ce sont des nouvelles un peu développées. On pourrait dire que ce qui compte, ce qui prime, c'est la qualité de la narration, la rapidité du phrasé, etc. Mais l'idée est présente dès le début et elle se réalise comme un programme. Dans Le Baron, on voit que Calvino s'est laissé prendre à quelque chose qui est un monde littéraire qu'il a bien sûr créé, mais qu'il a créé à partir à la fois de son expérience et des lectures, surtout celles du XVIIIe siècle. Et donc il le dit, je commençais à y croire. Or, quand on sait les réticences que Calvino a pour les prestiges de la fiction, et c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser embobiner, Calvino, ni politiquement, ni par les gens, ni par les écrivains, on sent que avec Le Baron, il s'est passé quelque chose. Et de fait, Le Baron Perché est un immense roman. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas embobiner, d'ailleurs, au passage, Le Baron Perché. Non, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse embobiner. Alors justement, c'est la deuxième chose que je retiendrai, c'est qu'il montre bien dans l'extrait que vous avez lu, hein, dans cette note que vous avez fait lire, que ce qui caractérise le baron, le petit Cosimo, c'est une qualité que Calvino met au-dessus de toutes les autres, c'est la volonté. C'est un obsédé de la volonté, Cosimo. Il a pris une décision, elle est absurde, de fait, vivre dans un arbre, c'est pas ce qu'il y a de plus... Oh, il vit dans plusieurs arbres, oui, puisqu'il passe de l'un à l'autre. En effet, c'est dans un monde arboricole, comme il le dit un moment à son frère, mais il fait corps avec sa volonté, et d'une certaine manière, ce volontarisme, ou ce perfectionnisme, on pourrait dire aussi, hein, parce que c'est pour Calvino une qualité majeure, et on pourrait dire que, autant... la question du vicomte, hein, c'est celle de faire corps avec soi, celle de l'unité du soi, que celle du chevalier, c'est l'existence. Hein. Celle du baron, c'est l'identité à travers la volonté. Hein, l'identité à travers le fait de céder, de ne pas céder sur sa volonté. De fait, et nous le savons toutes et tous, l'épreuve majeure qui s'adresse à nos volontés, c'est celle des affects, de l'amour. Et même quand le baron tombe amoureux, et de quelle passion, hein, pour Viole, hein, eh bien, il est à deux reprises sommé par la femme de sa vie de déroger à sa décision, et il lui explique que si elle l'aime, eh bien, elle ne doit pas lui demander de résister à sa propre volonté. Pour être vraiment avec les autres, il faut être séparé des autres. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans cette lecture et qui illustre assez bien, je crois, ce que vous dites, Martin Rueff. Alors, ce livre, il se passe en plein siècle des Lumières. Est-ce que, finalement, Calvino aurait pu choisir de raconter la même histoire aujourd'hui, ou au XXe siècle, ou au XIIe siècle, pourquoi pas? Il choisit ce XVIIIe siècle. Est-ce qu'il le fait pour une réseau en particulier. Oui. Le Baron Perché, et d'ailleurs la trilogie, hein, est contemporaine d'un désengagement politique de Calvino. Hein, puisque, Calvino quitte le PC italien en 57, à la suite des événements de l'Est, hein, et il reste communiste dans son cœur, comme il le dit, hein, mais il ne peut plus adhérer, hein, il le dit, j'avais l'impression d'être dans une espèce de schizophrénie constante. Et donc, ce que Calvino essaie d'imaginer, et on le sent très bien dans Le Baron, mais aussi à la fin du Chevalier inexistant, hein, c'est un nouveau type de rapport entre l'intellectuel, on peut dire, hein, l'écrivain, l'intellectuel, et la communauté. Et ce rapport engagement-dégagement, il me semble qu'il l'incarne parfaitement dans Le Baron. Or, il faut rappeler, et ça c'est quand même une donnée qui n'est pas complètement évidente pour les Français, c'est que pour les Italiens, l'antifascisme, qu'il ait été communiste ou libéral, hein, était fils des Lumières. Mmh. Hein, tous les antifascistes, que ce soit les libéraux type Gobetti, que ce soit les communistes, que ce soit les Crociani, tous, se réclamaient de l'héritage des Lumières. Et la maison Einaudi, qui a, disons, mis ensemble Pavese et Natalia Ginzburg, Calvino, etc., étaient tous, hein, très liés à l'héritage des Lumières. Au point que le grand historien des Lumières antifascistes italien, Franco Venturi, qui est un proche de Calvino, est quelqu'un qui a beaucoup compté, hein, pour l'histoire européenne des Lumières, hein, son fameux livre, hein, un 18e réformateur et pas révolutionnaire. Hein, c'était ça sa thèse. Or, évidemment, il importait à Calvino de mettre en scène un personnage à la fois engagé et dégagé, et qui soit lié à l'héritage des Lumières, pour défendre dans les années 60, enfin la fin des années 50 en Italie, une forme d'engagement-dégagement qui pouvait encore se réclamer des Lumières. Donc c'est un livre humaniste d'un écrivain humaniste? Oui, l'adjectif humaniste n'est pas un adjectif qui vient spontanément chez Calvino, mais vous le trouveriez. Oui, absolument. Si notre sort est enviable, qu'il est bon d'être blaireau, nous le devons à la fable du baron de Calvino. C'était un noble un peu anard qui ne logeait pas sous les toits. Il s'était bâti un plumard dans le maquis au fond d'un bois. Sa cachette était confortable. Son palais digne d'un roi. Du chêne, de l'orme, de l'érable. Un baobab du Botswana. Botswana. Pour vivre heureux, pour vivre ils vont pêcher dans les branches d'un rocher. Entre deux chênes, pied aux planches. Le pied, la tête haute, haute, haute, mais pas hautaine. La compagnie des auteurs sur France Culture et le Baron Perché, chanté ici par les blaireaux. Il peut tout faire, ce baron, dans les arbres. C'est fantastique, faire rôtir sur une broche le gibier qu'il a chassé. Hein, on peut peut-être raconter d'ailleurs comment il s'y prend. C'est assez intéressant. Oui, oui. Alors c'est aussi un livre sur l'ingéniosité. Et un de ses modèles, c'est Robinson, bien sûr. Hein, c'est un homme qui est capable de recréer un monde, un univers à partir de techniques. Hein. Donc il y a les scènes très très belle, hein, de l'ablution, comment il se lave, hein, évidemment, sans descendre dans la rivière. Donc, il invente des systèmes d'irrigation. Il y a la question des toilettes, comment il fait, etc. Et puis, de fait, il y a la question de la chasse. Hein, donc, il invente au-dessous d'un chêne un dispositif, hein, qui lui permet, en piquant dans une espèce de broche, les gibiers qu'il chasse. Il chasse même après avec un chien, Optimo Massimo, Optimus Maximus, qui est son chien adoré, qui a un autre rôle dans le roman, on en parlera peut-être, qui lui rabat les bêtes. Hein. Il a d'ailleurs appris à ce chien à monter un petit peu dans les branches du dessous pour pouvoir saisir. Avec une espèce de briquet de silex, il arrive à allumer un feu au-dessous de l'arbre, hein, et il fait tourner la broche. Hein. Voilà, il y a énormément... le personnage de Cosimo, hein, c'est aussi un encyclopédiste. Hein. C'est-à-dire, c'est un personnage des techniques. Il y a aussi il y a aussi des éléments sur l'optique. Il y a aussi des éléments sur... Et d'ailleurs, un des personnages, hein, son oncle rapporté, si j'ose dire, est lui aussi un inventeur. Donc, il y a beaucoup d'éléments drôlatiques, hein, et enfantins sur les techniques. Donc, il est très ingénieux. Et s'il s'en sort toujours, c'est aussi parce qu'il a le sens du collectif. Il sait échanger, par exemple, le butin de sa chasse avec les paysans contre des fruits et des légumes. Il y a un côté un peu retour à la terre, travail collaboratif, qui est à la limite un peu politique ici, Martin. Ah oui, ah oui, absolument. De plusieurs façons. En fait, c'est aussi un livre, vous le dites très justement, sur le travail agricole et la manière de répartir les biens. Donc, il y a un côté, je disais, Robinson, c'est-à-dire que il monte, en fait. Hein, l'idée, c'est que en altitude, hein, depuis la hauteur, la cime des arbres, il arrive à aider les paysans à départager, à trouver les bonnes coupes dans les champs, etc., pour les aider à cultiver. Il a aussi... une fonction très importante contre les incendies, hein, vous vous souvenez, mais surtout, hein, c'est un homme de calcul et de justice. Hein, il écrit d'ailleurs une constitution, hein, pour le peuple des arbres. Il écrit beaucoup. Hein. Il écrit beaucoup, oui, il est seul dans les arbres. Donc bon, voilà, il vit vraiment très isolé. Et il a une obsession, hein, qui est celle de la justice. Et là où il est, vous parliez, je crois, de redistribution, là où il est très rousseauiste, hein, d'ailleurs, il y a un dialogue avec Rousseau tout le long du roman, mais aussi diderotien, mais aussi beccarien, etc., hein, c'est que il cherche des formes de justice collective qui ne soient pas liées, justement, à l'héritage. C'est pour ça que c'est très important que ce soit un livre lié, évidemment, à la période des Lumières. Mais alors, il devient fou, Cosimo. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour vous, Martin Rueff? Peut-être qu'il est fou pour les autres. Alors, il y a plusieurs types de folie, hein, dans ce livre. Et Calvino est quelqu'un qui plaisante pas avec la folie. C'est quelque chose qui lui fait peur, en fait. Il y a d'abord la folie de l'opiniâtreté, bon, qui est une folie froide, qui le fait, disons, tourner le dos à sa famille. Hein, et il se sépare de ses parents de manière très rigoureuse. Mmh. Son père meurt sans qu'il le voie. Il voit mourir sa mère à travers une fenêtre. Il l'aide à mourir depuis son arbre. Donc ça, c'est la folie de l'opiniâtreté. Il y a la folie d'amour, ça qui est une folie... Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que c'est un roman très singulier dans la carrière littéraire de Calvino, parce que c'est sans doute son grand roman d'amour, hein, son grand roman de la passion amoureuse. Et puis, il y a une dernière folie, qui est d'une certaine manière, vous me l'accorderez, rousseauiste, qui est la folie de la solitude. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une... À la fin, hein, on a un peu l'impression... d'entendre le début des rêveries, hein, je n'ai plus d'amis, de société, de prochain que moi-même, hein, et de fait, il devient fou par excès de solitude. Et d'ailleurs, ces trois ces trois folies se conjuguent à la fin, convergent, hein, quand malade, vieux, son frère essaie de le faire descendre de l'arbre, et au contraire lui monte sur le mât de cocagne qui a été planté au centre du village, et puis le lecteur découvrira ce qui se passe. Alors si on avance un peu dans la trilogie, puisque l'heure tourne, passons au Vicomte Pourfendu, roman celui-là de 1952. C'est le premier, oui. Alors le premier, c'est-à-dire, il faudrait encore savoir si c'est le premier dans l'ordre de publication, dans l'ordre d'écriture, ou alors dans l'ordre de la grande histoire, parce que celui-là se passe bien avant le siècle des Lumières. De quoi s'agit-il, tout simplement ? Alors le Vicomte, c'est un texte qui se passe, disons, entre le 16e et le 17e, c'est pas exactement précisé, hein, mais c'est la guerre contre les Turcs du 17e, et c'est l'histoire de Medardo di Terra Alba, qui part un petit peu comme Ferdinand au début du voyage, ça a commencé comme ça, hein. Il part à la guerre, il sait pas très bien pourquoi, il se retrouve sur un champ de bataille, il est pas très, on va dire, très adroit, très habile, mais il a beaucoup d'ardeur, il monte dans les fortifications des Turcs, et puis il fait une très légère erreur, c'est qu'il se retrouve face à la bouche d'un canon. Oui, il pense que ça pose pas de problème, il va y arriver, et bien sûr les Turcs mettent le feu à la mèche, et il est littéralement coupé en deux, voilà, hein, dimezzato, comme font les canons, pourfendu. Les coups de canon coupent en deux les gens. Voilà. Bon, oui, vous avez raison. Enfin, disons là, oui, il est déchiré, ça serait plus juste sans doute de dire ça. En tout cas, il est dimezzato, coupé en deux. Oui. Et l'histoire nous est racontée par un jeune enfant qui est resté à Terra Alba, qui est lui aussi d'ailleurs de culture paysanne, di cultura contadina. Il voit arriver, c'est une très belle scène, hein, il voit arriver depuis les hauteurs de son village une litière, et on comprend donc que le vicomte est revenu. Et le vicomte sort, ou s'extrait plus exactement, de sa litière. Il est drapé dans un grand manteau noir. On voit l'extrémité d'une béquille. Et en fait, c'est un homme à moitié. Oui. C'est une moitié d'homme. C'est la moitié droite. C'est la moitié droite. Et c'est la moitié méchante. Oui. En fait, c'est ce qu'on découvre au cours des premiers chapitres, hein, des deux premiers tiers, on peut dire, du récit. C'est une moitié qui en veut à la vie. Qui, disons, est très malheureux et qui va essayer de tout couper en deux, de couper les gens en deux, de couper la société en deux, de couper les champignons en deux, de couper les fleurs en deux, de couper les animaux en deux, jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille, une pastorelle, une jeune bergère dont il tombe très amoureux et dont il est facile de dire qu'il voudrait faire sa moitié, bien sûr, et il essaie de l'attirer, elle a très peur de lui. Et il monte des... Lui aussi, c'est un homme ingénieux. Il a l'ingéniosité du mal. Il essaie de monter des espèces de mécanismes pour l'attirer à lui. Il n'y arrive pas. Et coup de, si j'ose dire, deuxième coup de canon du roman, la deuxième moitié revient. La bonne moitié. La bonne moitié. La moitié sympathique. La moitié sympathique. Mais alors, lui aussi, cette moitié sympathique, hein, il n'est pas que sympathique. Ou si, il est sympathique, mais il l'est trop. C'est une espèce de démon du bien. Il veut constamment aider tout le monde. Il est très pénible parce que, en réalité, il embête tout le monde. Il est trop prévenant, etc., etc. Et la question va être, et qu'est-ce qui lui arrive à lui aussi? Bien, il tombe amoureux de la même femme. Et donc, elle est courtisée par les deux moitiés d'un même homme, une moitié méchante et une moitié gentille. Et elle devrait, si j'ose dire, faire la part des choses jusqu'à ce que un événement fortuit se produise et qui marque la fin du roman. C'est un roman, alors là, qui est plus, je dirais, du côté de Stevenson. Ça rappelle un peu comme phrasé, comme rythme, un peu L'île au trésor. C'est raconté par un enfant qui voit les choses sans trop les comprendre. Et lui-même disait qu'il avait eu envie d'écrire ce genre de livre-là, justement, en lisant Stevenson. Ah oui, oui, oui. Stevenson est un écrivain qui, pour lui, est un des sommets, hein, de la littérature. Notamment justement par ce mélange de profondeur et d'écriture infantile que vous évoquiez au début, il est très passionné par ça. Et de fait, il y a un personnage, hein, qui est Trelawney, qui est le docteur, qui accompagne, qui est un peu le compagnon de jeu du petit enfant et du jeune enfant, et qui est vraiment, alors lui, sorti de Stevenson. Hein, c'est vraiment le type de personnage de Stevenson. Donc là, on est dans l'aspiration à la complétude, au-delà des mutilations qu'impose la société. C'est ça qu'a voulu montrer Calvino, qui disait que finalement, c'était autre chose que simplement une opposition entre le bien et le mal. C'est l'ambiguïté fondamentale que chaque être humain recèle en lui et qui, justement, est irréconciliable d'une certaine façon, Martin Rueff. Bah, vous le dites très bien, c'est les termes qu'il emploie dans la postface hein, de cet ouvrage, parce qu'il dit que, en fait, donc c'est le premier, le fait que ce soit le premier dans la chronologie, hein, c'est 52, c'est un livre qui est quand même très lié à ces, qu'on peut facilement rattacher, disons, à ses œuvres précédentes, parce que, comme il le dit, c'est un livre qui porte aussi l'obsession de ce que la société contemporaine, la société italienne des années 50 pour lui, hein, ou la société européenne, fait subir aux individus. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher pour Calvino la skise lacanienne ou deleuzienne, ou la spaltung derlinienne, ou je sais pas, l'aliénation hegelienne et marxiste ou adornienne. Hein. Cette division de l'individu avec soi-même, entre la société et le privé, entre le professionnel et l'intime, il la sent, d'ailleurs il l'a senti lui-même dans son existence, hein. Et pour nous relier, nous rapporter à ce que vous évoquiez au début quand vous le faisiez entendre, il part de cette image qui est celle de vraiment d'une division physique, qui est, on peut le dire, assez brute, brutale, nette, hein, et il en fait justement un récit de la séparation d'avec soi. Hein. Et donc oui, c'est un roman de la séparation d'avec soi, la séparation bien mal, on comprend vite au fur et à mesure qu'il la développe narrativement, qu'elle ne fait pas l'essentiel, puisque même le mauvais a des côtés positifs et le bon a des côtés négatifs. Donc c'est pas aussi tranché que ça, si j'ose dire. Martin Rueff, il nous reste encore un troisième roman à évoquer pour compléter cette présentation de la trilogie Nos Ancêtres de Calvino, qui reparaît donc dans votre traduction aux éditions Gallimard. Mais tout de suite, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la Nouvelle Revue Française et surtout de son directeur Michel Crépu. Bonjour. Bonjour. C'est l'été, j'ai l'impression, à la NRF, ce numéro semble le prouver, avec des textes de fiction contemporaine qui respirent, Michel, le soleil et la mer. Oui, et j'aimerais effectivement profiter de cette invitation que vous me faites pour évoquer ce beau texte de Diane Lizarelli qui s'appelle La Réserve et qui est en fait une sorte d'expérience de contemplation de la lumière et de la mer. Et dont une illustration vient orner la couverture. Et c'est un très beau texte de je dirais pas de méditation, parce que ce serait le déporter trop du côté d'une sorte de sagesse un peu grave. Non, c'est plus flottant et c'est d'autant plus profond sensible à cette expérience de la lumière et qui est propre à l'été. Enfin, c'est profond, mais on peut l'emmener à la plage. Quoi, on peut tout à fait l'emmener à la plage et voilà. Plus sérieusement peut-être, vous avez déniché un texte inédit de Malcolm Lowry sur la Chine. Oui, grâce à Philippe Blanchon qui est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a une connaissance très fine de la littérature américaine par des écrivains qu'on ne connaît pas bien. Il avait présenté il y a quelque temps Conrad Aiken qui est peu connu. Et là, il a présenté un texte de Malcolm Lowry qui est un texte de jeunesse. Quand Lowry s'est engagé, il était anglais, hein, et il s'était engagé sur un bateau comme barman, enfin comme steward, le bateau a fait escale en Chine. Et ça doit être, c'est même difficilement datable, mais enfin ça doit être dans les années 20. Lowry étant né en 1908, il s'est engagé très jeune à bord de ce cargo. Et il en extrait comme ça une sensation de Chine qui est très étonnante. D'accord, à lire également dans le numéro 631. Et puis des poèmes, puisque je crois que vous avez la volonté... Mais oui, absolument. On publie là un petit choix de poèmes d'Anna Yoglu, qui est très jeune, qui vit et travaille à Bruxelles, qui est française, et dont ce n'est pas la première publication dans une revue. Elle a déjà publié dans d'autres revues. Mais surtout, alors évidemment, ce sont de très beaux poèmes et je suis très, très content et très fier de les publier dans la revue. Mais je m'aperçois surtout, au fil des mois, au fil du temps qui passe et des livres qui me passent entre les mains, des manuscrits, etc., je m'aperçois que, contrairement à ce qu'on dit, la poésie est en pleine, est en plein travail et j'éprouve beaucoup plus de plaisir en ce moment à lire de tels textes que certains romans qui ma foi, n'ont pas la grâce et la légèreté et la fantaisie d'Italo Calvino. J'ai écouté attentivement. Vous aviez peut-être un mot à dire d'ailleurs sur Calvino. Oui, oui, parce que je suis frappé. Je me souviens dans les années 80, il était très à la mode et du coup ça m'agaçait prodigieusement, donc j'avais pas envie de le lire. C'est toujours un problème quand un écrivain est à la mode, on n'a pas envie de le lire. Et là, on le redécouvre et je suis fasciné par cette espèce de danse qu'il y a entre un pôle de méfiance chez lui, l'homme qui ne veut pas être embobiné, et en même temps la fantaisie, l'enfant, la liberté effectivement propre au 18e et qu'on n'a jamais retrouvé depuis. Alors Calvino transmet cette espèce de paradoxe fascinant, je trouve, de méfiance et de liberté. La plage, le soleil, la Chine, la poésie, tout cela à retrouver dans le numéro 631 de la Nouvelle Revue Française qui s'apprête à paraître, hein, c'est ça, ou qui est peut-être même déjà en librairie, oui, Michel. Oui, qui le sera demain, enfin, voilà. C'est arrivé aujourd'hui. Précipitez-vous. À bientôt, Michel. À bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture, troisième jour d'une série d'émissions consacrée à Italo Calvino, dont la trilogie Nos Ancêtres reparaît en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff. Martin Rueff qui est aujourd'hui mon invité. Je crois que dans la littérature italienne, il y a toute une tradition, cosmique, oui. Disons de philosophie naturelle. Ça commence avec Dante, ça continue avec Arioste, ça continue avec Leopardi, et ce sont tous des poètes très liés avec la lune. Et alors, je pense que je me trouve très familiarité avec, oui, cette tradition, avec cette littérature un peu de magicien, aussi d'alchimiste, qui a été la littérature italienne du 16e et, oui, du 17e. C'est un magicien, un alchimiste de la littérature, Calvino, Martin Rueff. Oui. Oui, je suis frappé dans cette citation de la coexistence dans ce que Calvino rapporte, de la connaissance scientifique qui est la sienne. Il est fils d'une botaniste très compétente, hein. Il a vécu à Saint-Raymond, il a une très forte connaissance, une très profonde connaissance de l'univers végétal. Il lit beaucoup de science, et en même temps, cette science, il essaie de la transmettre sous une forme qui est une forme narrative, légère, et une partie de sa magie tient, comme souvent chez les écrivains, à cette espèce d'accord qu'il y a entre le savoir, on peut dire, et pour employer une expression contemporaine galvaudée, un non-savoir, c'est-à-dire une manière de ne pas appuyer sur le savoir, ou plutôt une manière de rendre le savoir à la fois accessible, jouissif, partageable et beau, hein, et disons, il y a un lyrisme pour, par exemple, on ne peut pas lire Le Baron sans être frappé par l'extraordinaire connaissance des arbres qu'il a, mmh, hein, évidemment. Quant à la Lune, il parle de la Lune, c'est drôle, parce qu'à la fin du Baron, il rencontre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, un soldat révolutionnaire français qui est un soldat complètement épris de poésie, d'une poésie complètement ridicule, et qui rédige à la fin, dans une situation complètement grotesque, un poème à la lune. Donc c'est, voilà, il y a toujours ce contraste qui fait l'humour de Calvino. Alors, puisque il était question de cette tradition italienne dans les propos de Calvino à l'instant, j'aimerais qu'on fasse, avant de parler du chevalier inexistant, un petit détour par la littérature italienne que vous connaissez bien, Martin Rueff. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Parce que on n'est plus évidemment au temps de Moravia, Calvino, Pasolini. Et vous qui avez écrit un article sur la voix pronominale chez les écrivains, dans la revue Critique qu'on connaît bien ici, sur le « nous » finalement, la capacité de parler au « nous » des écrivains, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elle existe, cette capacité de parler au « nous » chez les écrivains en Italie? Et d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut le relier à Calvino, Martin Rueff? Ah, Mathieu, c'est pas une question simple. Non, je m'en rends compte en la formulant. Non, c'est pas une question simple, c'est une question très importante et d'une certaine manière grave, hein, vu la situation politique contemporaine italienne. Il y a aujourd'hui d'immenses voix littéraires en Italie, de très très grands écrivains, Walter Citti, Antonio Moresco, Giorgio Vasta, pour citer des écrivains plus jeunes. Que ces écrivains fassent une communauté, j'en doute. J'ai l'impression que plusieurs obstacles se dressent, mais j'en parle peut-être sous bénéfice d'inventaire et en me trompant. Plusieurs obstacles se dressent aujourd'hui pour faire, si vous voulez, du monde littéraire italien quelque chose qui relèverait d'une espèce d'unité, comme un contre-feu face à certaines dérives politiques, notamment évidemment les divisions régionales, qui sont parfois aussi des divisions d'idiomes linguistiques, hein, évidemment, des séparations de culture. Il y a des écrivains qui évidemment cherchent à nous, hein. Je pense à un poète que j'ai beaucoup traduit, que j'ai publié chez Verdier, De Signoribus, hein, qui est un poète du témoignage et qui cherche à nous d'une certaine manière. Alors, leur relation que vous posez, sur laquelle vous m'interrogez, avec Calvino est une question très très difficile. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la littérature italienne, des années 50, hein, de l'après-guerre, de l'antifascisme, jusqu'aux années 80, a fonctionné, beaucoup plus qu'en France, hein, sur des effets de canonisation. Et donc il y avait des écrivains canoniques, Pavese, Natalia Ginzburg, Italo Calvino. Et à la fin des années 60, mais surtout à la fin des années 70, il y a une espèce de retournement contre ce canon, qui a fait, hein, je me souviendrai toujours de ça, les toutes premières années où j'ai vécu en Italie, hein, je vivais à Bologne, on avait donné à la Maturita, au bac, un sujet de Pavese, et il y avait eu dans la Repubblica, dans le Corriere, un courrier signé d'une quinzaine d'écrivains contemporains qui s'appelait Basta con Pavese. Il y en a assez de Pavese. Alors Calvino a peut-être... C'est un peu comme en politique, finalement. Oui. Il s'agit de... Tourner la page, et puis mettre tout le monde dehors et... Alors ça entraîne, si vous voulez, hein, des effets. Alors en France, on aime bien cette image du purgatoire, des cycles, etc. En Italie, les choses ne peuvent pas être présentées de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça entraîne, hein, des effets de rémotion, hein, de répulsion. On renvoie les écrivains dans une espèce de zone où ils deviennent des objets universitaires, scolaires, mais ils sont plus des moteurs d'écriture. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, hein, c'est un bon moment pour Calvino, pas simplement en France, mais en Italie, et c'est un bon moment pour une raison, à mon avis, de fond, qui est une question qui tient à son ethos d'écrivain, à son ethos. C'est-à-dire, ce que je disais, le rapport savoir et fantaisie, ou légèreté, vous insistiez sur le mot alchimiste, mais aussi... sur son ethos politique, l'écrivain Calvino était un écrivain presque aussi engagé que Pasolini, mais d'une autre manière et avec d'autres profits, me semble-t-il, aussi. Allez, on revient à nos moutons, même si on aimerait aussi parler plus longuement de tout cela, mais il y a beaucoup à dire. Bien sûr. Le chevalier inexistant. Et pourquoi ne relevez-vous pas la visière, qu'on voit votre visage ? Le chevalier ne bougea point. Sa dextre, prise dans le gantelet de fer bien ajusté, serra plus fort le trousquin de la selle, tandis que l'autre bras, qui portait l'écu, parut agité d'un frisson. « Et paladin, c'est à vous que je parle, » insista Charlemagne. « Pourquoi, diantre, ne montrez-vous pas votre visage au roi ?» La voix sortit, nette, de la ventaille du haume. « C'est que je n'existe pas, sire, » « Eh bien, vrai ?» s'écria l'empereur. « Voici que nous avons en renfort un chevalier inexistant. Faites voir un peu ?» Agilulphe parut hésiter un instant, puis d'une main sûre, mais lente, il releva sa visière. Le haume était vide. Dans l'armure blanche, au beau plumail iridescent, personne. « Tiens, tiens, on en voit des choses !» fit Charlemagne. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait du Chevalier inexistant lu par Anne Brissier, Martin Rueff. Alors là, c'est le troisième et dernier roman, y compris dans l'ordre de publication, si je ne me trompe, de la trilogie, puisqu'il date de 1959. Oui. Mais en fait, Calvino dit, dans une introduction de 1960, qu'en réalité, c'est un texte qui pourrait commencer ou terminer indifféremment la trilogie. Oui, cette possibilité, elle tient aussi au fait que, pour Calvino, je crois, il fallait que le baron fût au milieu, hein, mm-hmm. parce que c'est comme chez Proust, c'est la nef de la cathédrale, donc il faut vraiment qu'il soit au milieu. Entre les deux, en effet, ce sont deux textes relativement courts, de lecture très immédiate, très beaux. Le passage qui a été lu est très impressionnant. Et c'est un texte qui, en effet, peut très bien ouvrir la trilogie et la conclure. Le thème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et l'extrait qu'on vient d'entendre le soulignait encore, hein, c'est vraiment cet extraordinaire, si vous voulez, conte, fable, hein, d'un chevalier qui ne tient que par son armure. C'est-à-dire que dans l'armure, il n'y a personne, il y a du vide, il n'y a personne. Non c'est nessuno. Mais la phrase d'après, qui n'a pas été lue, Charlemagne dit, mais bon, alors d'accord, vous n'existez pas, mais alors comment est-ce que vous faites pour être un des meilleurs chevaliers de mon armée? Et il dit quelque chose qu'aurait pu dire Cosimo le baron, il dit, avec la force de la volonté. Mm-hmm. Donc c'est par la volonté que les personnages de Calvino deviennent ce qu'ils sont. Hein. C'est son perfectionnisme, pour parler comme les philosophes normatifs contemporains. Mais là, est-ce que c'est une bonne volonté, alors, enfin une volonté qui est bonne pour l'être, puisque finalement, si on ne tient que par la volonté, et alors qu'on n'est rien à l'intérieur de l'armure, c'est peut-être problématique. Oui, il y a plusieurs réponses à cette forte question. Bon, la première, d'un point de vue narratif, il faut aussi rappeler que Agilulfo, il est insupportable parce que c'est Monsieur Parfait. Mm-hmm. C'est-à-dire que il est tout le temps là en train d'expliquer aux gens qu'ils font pas comme il faut. Il est tout le temps en train d'astiquer son armure, astiquer ses armes, donner des ordres, faire respecter les règlements. Enfin, c'est vraiment un homme de l'ordre, qui tient parce qu'il donne des ordres et parce qu'il se donne des ordres. Et puis, de manière plus profonde, hein, je crois que c'est un personnage qui n'est pas sans mélancolie, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être un des personnages, et bien sûr Pavès était mort depuis bien longtemps quand Calvino l'a écrit, qui peut rappeler certains propos de Pavès dans le métier de vivre, ou d'ailleurs certains propos de Kierkegaard, hein, sur le rapport entre possible et volonté. C'est-à-dire que le possible advient dans la vie parce qu'on arrive finalement à tenir nos promesses, à coller à nos volontés. Hein. Et voilà, le chevalier, il est comme cela. C'est un homme qui tient parce qu'il essaie de tenir ses promesses. Oui. Et alors, justement, Pavese, on peut se demander s'il aurait apprécié finalement un livre comme celui-là, puisqu'il lisait tout. C'était un des premiers lecteurs, et puis c'était une sorte de mentor. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce livre-là aussi, il aurait pu lui plaire. Quand il rend compte du sentier, hein, en 47, du premier livre que Calvino lui soumet, hein, il dit cette chose que j'évoquais, hein, c'est un écureuil de la plume, hein, qui saute de branche en branche et qui observe en hauteur, dit-il, la vie des partisans comme s'il s'agissait d'une fable des bois. Alors, je crois que ce que Pavès avait aimé chez Calvino, c'était cette distance. Bon, on en parle depuis le début de l'émission, finalement, la capacité à créer une profondeur et une distance. Mais en même temps, je crois que Pavès tenait à ce que le roman parlât du monde contemporain, qu'il nous donne des renseignements directs, ou des renseignements, c'est mal dit, pardon, des informations directes sur ce que nous vivons. Et peut-être que les détours fantaisistes de Calvino n'auraient pas été de son goût. Comme par exemple la narratrice. Alors, je ne sais pas si c'est un détour fantaisiste, mais il faut en parler un petit peu, parce que c'est une nonne qui raconte l'histoire. De toute façon, les narrateurs dans la trilogie ont toujours une importance particulière, mais là, peut-être plus encore qu'ailleurs. Oui, alors en fait, le roman alterne des ouvertures et des différentes. C'est-à-dire que souvent, en effet, à partir de la fin du premier tiers, on découvre en effet ce personnage de narrateur qui est une nonne et qui dit qu'elle est condamnée par sa supérieure à écrire dans le couvent où elle se trouve les hauts faits dont elle a été la spectatrice. C'est une punition un petit peu pour elle. C'est une punition. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, c'est ça un couvent, on doit faire ce qu'on sait faire, moi je sais écrire, donc j'écris. Et puis finalement, on s'aperçoit au fur et à mesure que cette nonne est un des personnages du récit raconté par la nonne, un des personnages qui a fréquenté le cheval inexistant, je ne dis pas lequel maintenant, et donc elle a été, si j'ose dire, partie prenante des aventures du chevalier. Vous faites bien d'insister sur ce type de narration-là, parce qu'en fait, il ouvre la carrière de Calvino par la suite. Pourquoi ? Parce que ce narrateur, qui raconte l'histoire, raconte aussi, avec force détail, la manière dont il la raconte. Et donc, il y a, chez cette nonne narratrice, une dimension, on peut dire, métalittéraire très forte, où elle dit, voilà, maintenant, par exemple, je vais vous montrer sur la page comment je le fais arriver, traverser, et donc, elle dit, j'appuie sur mon crayon, enfin, sur ma plume. C'est une nonne qui s'interroge beaucoup sur ce que c'est qu'écrire. Exact. C'est une nonne qui aurait pu avoir lu Gérard Genette, voilà, parce qu'elle est... Peut-être l'a-t-elle fait, d'ailleurs. Peut-être l'a-t-elle fait. Elle est très, très, comment dire, en prise directe avec des questions de narratologie, de poésie, etc. Et d'ailleurs, de manière assez légère et on peut dire virtuose, Calvino va à un moment faire en sorte que le récit de l'aventure croise l'aventure du récit et que, évidemment, cette nonne qui était un personnage puis qui était devenue une narratrice redevienne un personnage. Oui. De fait, c'est un petit peu la pente qui sera celle de Six nuits d'hiver, un voyageur. Oui. Alors, il y a aussi une autre étrangeté, c'est la présence de la chanson de Roland. Alors là, comment se fait-il que finalement ce personnage croise Roland, l'un des fondateurs de la littérature française, même pas italienne. C'est, on le rappelle, celui qui raconte à travers la chanson de Roland les croisades pour refouler les Sarrasins hors de France et hors d'Espagne. Qu'est-ce que ça vient faire là, Martin Rueff ? Alors, je dirais deux choses. D'abord, Roland intervient massivement dans un épisode très frappant du récit. Lors d'un dîner devant Charlemagne, les chevaliers qui entourent la garde rapprochée de Charlemagne s'en prennent à Gilulf, parce que ils en ont assez qu'il leur fasse la leçon. Et il leur dit, ils disent à Gilulf, ils leur disent, écoutez, en fait, finalement, l'épique, l'épopée, c'est ça, la mémoire des chevaliers, et c'est pas la peine de faire le notaire à toujours nous rappeler l'exactitude des faits, etc. Et Agilulf dit non, les faits historiques sont les faits historiques et la légende, c'est la légende. Et donc, cette dimension un peu métalittéraire qu'on évoquait à propos de la narratrice s'invite à l'intérieur du récit quand il s'agit de départager le récit historique du récit épique. Mais par ailleurs, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que la littérature que Calvino aime, c'est celle-là. C'est-à-dire Calvino est un amoureux fou des grandes épopées, italiennes bien sûr. Les récits de chevalerie. Oui, il adore les récits de chevalerie. Calvino, de toute façon, ce qu'il aime, c'est la grande littérature, la grande tradition, les grands récits de fondation. Il aime Boccaccio, l'Arioste. Alors l'Arioste, pour lui, c'est le Tasse. C'est vraiment les écrivains qu'il aime et qu'il affectionne, qu'il a d'ailleurs présenté. Il a beaucoup travaillé pour que ses auteurs deviennent des auteurs plus accessibles pour le public italien des années 50 et 60. Et de fait, il aime bien, si j'ose dire, faire des courts-circuits entre la grande histoire littéraire et sa propre écriture. Il y aura encore beaucoup à dire, Martin Rueff, sur ce livre, mais aussi sur les deux autres. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Il me reste à rappeler que votre traduction de la trilogie Nos Ancêtres est disponible chez Gallimard, Le Vicomte Pourfendu, Le Baron Perché, Le Chevalier Inexistant, et puis notez aussi qu'une autre de vos traductions paraîtra en août. Celle-ci sera une traduction d'un livre d'Elsa Morante qui s'appelle Petit Manifeste des communistes sans classe ni parti. Demain, ce sera le dernier épisode de notre semaine consacrée à Italo Calvino. Nous reviendrons avec Serge Capello sur les années parisiennes de l'écrivain italien, c'est-à-dire en gros son rapport à Queneau et à l'avant-garde littéraire. Mais tout de suite, comme chaque jour, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé pour ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Plusieurs livres récents d'Olivier Domergue sont posés sur la table. Il y a la Sainte Victoire de trois quarts, édité à la lettre volée. 11 tableaux sauvés du zoo, ça c'est à l'atelier de l'agneau, collection géopoétique. Il s'agit de paysages aussi. Et celui-ci, essayez de deviner ce que ça raconte. Des blocs de briques rouges avec cages d'escalier de secours, des blocs de briques rouges foncées, percés de fenêtres sur 4 ou 5 étages, plusieurs blocs par pâté d'immeuble, chaque pâté d'immeuble délimité par une rue, chaque rue coupée par une avenue perpendiculaire à elle, chaque avenue coupant plusieurs rues perpendiculaires à elle, chaque avenue elle-même parallèle, pour ainsi dire, à d'autres avenues coupant elles-mêmes d'autres rues, parfois les mêmes, des rues elles-mêmes constituées d'une succession de pâtés d'immeubles, lesquels, on l'aura compris, sont formés de blocs de briques rouges percés de fenêtres sur 4 à 10 étages, ces constantes n'empêchant aucunement une somme infinie de variations dans les largeurs, les hauteurs, voire les couleurs des édifices, mais nous parlons là en général. Nous formulons un caractère général, eux-mêmes voisinant avec une tripotée d'immeubles plutôt blanchâtres de 10 à 30 étages, rompant l'alignement des blocs de briques rouges que vous connaissez, puis selon les quartiers et selon qu'on se rapproche ou non de la ville basse ou de la ville haute, des gratte-ciels de toutes formes et de toutes dimensions, percés d'une multitude de fenêtres, des gratte-ciels de plus en plus hauts et imposants, des gratte-ciels de verre et de béton, d'acier et de plomb, de style néo-machin ou en stuc néo-truc, bref, des gratte-ciels qui rivalisent de prouesse, de prestance, d'innovation technique, qui se firent une bourre incroyable depuis que la ville les villes qui se supplantent les uns les autres, se font de l'ombre, occupent la place, le devant de la scène. Mais revenons à nos blocs briques, nos blocs de briques rouges à escalier ou échelle de secours, plusieurs blocs par pâté, plusieurs pâtés par rue, le tout, gratte-ciel compris, formant une juxtaposition sans fin de carrés et rectangles, de cubes et parallélépipèdes bordés de rues et d'avenues qui se coupent et recoupent sur des kilomètres entre 4 et 6 dans le sens de la largeur de l'île, 3 dans le sens de la longueur et dont la hauteur, mais parlons plutôt ici d'altitude, varie entre 10 et 412 mètres. C'était New York, vous l'aviez reconnu, 13 jours à New York, voyage compris, est un livre d'Olivier Domergue qui est paru au Bleu du Ciel. Je cherche encore, dans la remontée flagrante des gratte-ciels du centre, dans l'entremêlement de couleurs blêmes, dans l'éclipse de l'immense parc dissimulé par ces mêmes édifices, dans la réédition des toits plats, plateaux crevassés des blocs, dans la saturation excessive de l'espace, repartir du simple, la simple répétition des formes, des chiffres, des dimensions, les lois qui en régissent les sorts. Développement planifié ou non, plan de départ ou pas, au commencement était île, marécage, bourbier, l'ancrage de la situation, repartir de là, élément constitutif, matière ou revenir aux surfaces, à la surface des choses, à nous dresser parmi elles. Jacques Bonafé, merci pour ces lectures du poète Olivier Domergue.